Voilà, Pauline. Vois-tu la lune sur ce haut? Je la vois, mon amour. Sens-tu battre mon cœur, mon bien-aimé? Je le sens, ma bien-aimée. Là où tu iras, j'irai moi aussi.